d'une vie digne. La vie et la mort, valeurs contraires, semblent paradoxalement s'alimenter l'une et l'autre. La vie et la mort, valeurs absolues, sont ramenées à une réalité toute relative, dépendante de points de vue particuliers, de perspectives scientifiques et individuelles. Entre l'une et l'autre, qui s'exclut et s'interpénètre, comment trancher, à partir de quels critères décider ? L'affaire Vincent Lambert n'est pas terminée. La cour d'appel de Paris a validé tard hier soir le recours des parents de cet homme de 42 ans, plongé dans le coma depuis 10 ans après un grave accident de voiture qui l'a rendu tétraplégique. Hier soir, la cour d'appel a ordonné la reprise des traitements de leur fils et donc de cesser la fin de l'hydratation et la sédation entamée hier. Antoine Marette, bonjour. Bonjour Sophie. Ce recours visait à faire exécuter les recommandations du Comité des droits de personnes handicapées de l'ONU. Oui, c'était vraiment le recours de la dernière chance pour les parents de Vincent Lambert. Les chances que leur demande aboutisse semblaient vraiment minimes. Et pourtant, hier soir, coup de théâtre, énième rebondissement. La cour d'appel de Paris ordonne la reprise des soins pour Vincent Lambert. Entre la vie et la mort, comment choisir et comment choisir quand il s'agit d'une existence dont on ne parvient pas à définir le sens? Ces derniers jours, c'est rejouer la même opposition quant à l'arrêt ou pas des traitements de Vincent Lambert. Mais avec une autre donnée, et c'est la deuxième implication, celle de la qualification de son état. Jusque-là, Vincent Lambert était considéré comme un patient dans un état de conscience minimale. Pour suspendre la décision d'arrêter ses traitements, ses parents ont identifié son état à celui du handicap, invoquant par là même le droit à la vie de toute personne handicapée, ce que réfutent certains experts. Le problème est que l'on réfute aussi qu'il soit malade ou en fin de vie. Ni en fin de vie, ni malade, ni handicapé, l'enjeu est bien ici de dire ce qui concerne Vincent Lambert. De qui parle-t-on et à la place de qui ? Décider entre la vie et la mort n'est pas une question en l'air, mais indissociable d'un être humain. Or, de cet être humain, on dit tout ou rien. Comment dès lors prendre acte d'une décision pour quelqu'un dont l'existence est indécidable ? Comment parler pour lui sans parler à sa place, mais de sa place ? Cette affaire est atroce et fait souffrir la France entière en plus de sa famille. Elle fait souffrir toutes les communautés religieuses, scientifiques, philosophiques. Nous ne savons pas, nous sommes dans un no man's land que aucun juriste au monde ne peut résoudre du matin au soir. Qu'aucun éthicien au monde ne peut résoudre du matin au soir. C'était la voix du professeur Emmanuel Alain Cabanis, président de l'Académie nationale de médecine, faisant sentir cette difficulté immense pour décider. Dans une tribune parue dans Le Monde ce 20 mai, un collectif de professeurs de médecine prône la délibération pluridisciplinaire. Ce qui ressort ainsi, c'est cette troisième implication concernant la valeur des discours de chaque acteur. La question de la vie et de la mort, celle de l'identité d'un être humain, celle de sa parole, sont des questions vastes. On peut en discuter, confronter les points de vue, mais on peut aussi les recouvrir d'interprétations équivalentes, toutes également valables et défendables. Qui pourra en vouloir à une mère de défendre la vie de son fils et à une épouse de le laisser mourir dignement ? Qui pourra réfuter un médecin qui préconise l'arrêt des traitements ou des comités juridiques de les prolonger ? S'il est évident de valoriser une éthique de la discussion, le problème est aussi là : qui écouter pour décider ? Quel point de vue valoriser ? Et si on avait trop multiplié les points de vue et que l'on avait perdu de vue le sujet lui-même ? Merci Géraldine pour cette chronique qui est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à Isis Jourda qui m'a aidé à préparer cette émission avec Mathieu Tarpin, Géraldine Mosna-Savoie, Colomba Grossi, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine. Cédric Châteluc était à la prise de son aujourd'hui. Merci à Florence Thomas du Théâtre de la Colline qui nous a aidé pour préparer cette émission. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur Tchekhov. Demain, ce sera Georges Banu qui viendra vous parler des Trois Sœurs. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Il vous suffit de cliquer sur le triangle play pour réécouter l'émission. Vous pouvez aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez, sur votre ordinateur, sur votre téléphone portable et absolument quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h donc. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.